On va parler de la NCAA avec notre ami Wallet du site internet le NFL, le Blitz NFL, pardon. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. En fin de semaine, c'est les finales de division. Faut dire que les finales de conférence, c'est-à-dire, faut dire que on entend souvent parler du Big Ten, du Big 12, du Pac 12 et ainsi de suite. Et en fin de semaine, ça commence avec c'est les finales de division. C'est important parce que ça détermine un bon bowl ou un bowl moins prestigieux. Et pour les universités, ben c'est peut-être moins payant aussi, là. Oui, effectivement, tu viens juste de le mentionner, là. À jouer le match final de conférence, ben, ça donne une bourse à l'école. Puis, au final, ben, tu as beaucoup en jeu, là, pour certaines des équipes, là. Je regarde vite, là, l'horaire. Tu as le match avec Oklahoma demain sur l'heure du midi. Oklahoma qui se bat pour une place en série plus tard durant la journée. Tu as le match entre Alabama et Georgia qui est un peu la même chose. On se bat pour une place en éliminatoire. Même chose pour le match en fin de soirée entre Northwestern puis Ohio State. Beaucoup en jeu là, pour ces équipes-là. Là, ça va vraiment donner la forme finale là, du top 4 que le comité va nous donner le dimanche soir. On va savoir c'est qui les équipes là, qui font les fameuses là, séries éliminatoires dans le college football. OK. Donc, ça commence ce soir. C'est à 20h sur Fox. Une des divisions que j'aime le mieux, que j'aime bien, c'est le Pac-12. Ça représente évidemment des grosses universités par le passé, USC et ainsi de suite. Et c'est Washington qui est en action contre Utah. Washington qui a flotté dans les 10 premières positions tout au long de l'année. Ils ont terminé, selon le comité, au 11e rang. Ils affrontent Utah qui sont 17e. Oui, pour l'instant, là, Washington sont 11e. Une victoire augmenterait naturellement leur rang au classement final. On parle pas ici, par contre, là, d'un match décisif là, par rapport aux éliminatoires. Là, vraiment, le gagnant de ce match-là va se concentrer à aller jouer dans le Rose Bowl. OK, effectivement. Donc, c'est à 20h ce soir sur Fox. Washington, écoute, ils ont un camp et ils ont un porteur de ballon très, très explosif. Oui, Mal Gaskins, là, qui était un des bons porteurs de ballon là, cette année dans le college football. Son opposé ce soir, Zach Moss, du côté de Utah, qui est un très bon porteur de ballon. On parle de deux gars là, qui flirtent avec les 1000 verges là, pour la saison. D'après, ça va être un excellent duel au sol. Puis Utah, qui est relativement jeune dans cette division-là. Ils ne faisaient pas partie de la Pac-12 avant. C'est quand même gros là, pour eux là, d'avoir à l'enjeu une victoire pour les envoyer au Rose Bowl. Donc, ça devrait être un match intéressant ce soir. OK, donc c'est un match à surveiller. Par la suite, il y a demain midi. Écoute, c'est un autre gros match. C'est à midi sur ABC. Texas contre Oklahoma. Texas 14e, Oklahoma 5e. C'est deux universités où il y a eu de grosses, grosses rivalités par le passé. Oui, puis c'est deux universités qui se respectent, mais s'aiment pas. Année après année, on le sait, là, ils s'affrontent en début d'octobre. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois en plus de 100 ans que les deux universités s'affrontent pour la deuxième fois dans la même saison. On se rappelle au début de la saison, Texas avait surpris les Sooners en toute fin de match là, avec un botté de 3 points pour remporter ce match-là. Ça sera pas facile de remporter un deuxième match contre ses plus gros rivaux. Ceci étant dit, la défensive de Texas est vraiment bonne. S'il y a une défensive qui est capable de limiter les verges de Kyler Murray, c'est la défensive de Texas. Puis au contraire, la défensive d'Oklahoma, ça fait un peu pitié. Là. C'est pas du gros football là, qui joue là. Si Oklahoma veut remporter ce match-là, ils vont falloir qu'ils marquent là, probablement au-dessus de 40 points. Donc, il faut s'attendre à un festival offensif là, demain midi dans ce duel-là. OK. Et maintenant, à 16h, Alabama contre Georgia, c'est probablement le gros bowl à surveiller. Pas le gros bowl, c'est pas un bowl, mais je veux dire un match de championnat. Ça, c'est le match du SEC. C'est probablement la division la conférence la plus compétitive de toute la NCAA. Écoute, est-ce que Alabama pourrait connaître un mauvais match? Ça peut-tu arriver, ça? Ben, on s'en est déjà parlé là, dans le passé. Là. Ça peut toujours arriver. Là. Une des beautés du college football, c'est que c'est juste un match. Donc, il n'y a pas de 2-3 ou de 4-7. Tu te présentes, tu connais un bon match. Mais de la manière qu'Alabama joue depuis le début de l'année, je me rappelle, là, il affrontait Texas A&M, il affrontait LSU, il affrontait Mississippi State. Puis on se disait, ah, c'est peut-être le match qu'ils vont finalement flancher puis perdre. Puis non, regarde, match après match, ça se présentait. La défensive d'Alabama arrête à peu près tout. Puis ils ont Tua Tagovailoa qui fait des miracles sur le terrain, qui n'a même pas besoin de jouer durant le quatrième quart, tellement qu'il donne une bonne avance solide, un bon coussin à son équipe. J'aime Georgia, j'aime leur chance de compétitionner dans ce match-là, spécialement au niveau de leur attaque au sol là, avec DeAndre Swift puis Elijah Holyfield. Mais je pense qu'Alabama devrait remporter ce match-là par plus de 14 points. OK. Et le gros bowl, pas le gros, pourquoi je dis un bowl, l'autre match qu'il faut surveiller à 20 h demain soir sur Fox, ça c'est la division du Pac-10, pas du Pac-10, mais du Big Ten. Ça c'est une division évidemment très très compétitive. C'est probablement la deuxième la division la plus compétitive des universités comme Michigan State qui sont là-dedans. Et Ohio State va jouer contre Northwestern. Northwestern qui est une petite université, mais qui a fait connaître une très très bonne saison. Ouais, puis faut pas oublier là, que ce match-là, il y a beaucoup en jeu. Là. Pour ceux qui Rose suivent un Bowl. peu le classement, en ce moment, là, je pense que c'est clair pour tout le monde que Clemson puis Alabama là, sont numéro 1 et 2 au pays. Puis par la suite, ben, tu as Notre-Dame qui, avec leur saison parfaite, même s'ils n'ont pas l'équipe la plus complète, je pense qu'ils méritent leur place en éliminatoire. Puis par la suite, mais dans le fond, tu as trois équipes là, qui se battent pour la dernière position. Georgia, on vient de le mentionner, ils affrontent Alabama. Une défaite de Georgia, ils sont exclus des éliminatoires. Donc par la suite, c'est vraiment Oklahoma puis Ohio State qu'il va falloir qu'ils essayent d'avoir le meilleur résumé aux yeux du comité pour se classer pour les éliminatoires, pardon. Moi, je pense que si les Buckeyes veulent vraiment faire tourner des yeux vers eux là, après leur grosse victoire contre Michigan la semaine dernière, s'ils sont en mesure de battre Northwestern par plus de 3 ou 4 touchés, puis qu'à l'opposé, tu as Oklahoma qui gagne de peine et de misère contre Texas, moi, je serais pas surpris de voir les Buckeyes faire leur entrée en éliminatoire, puis peut-être même terminer la saison troisième, puis devancer Notre-Dame. OK, donc on va surveiller ça évidemment. La semaine prochaine, Wallet, on va être là pareil parce qu'il y a un classique qui s'appelle Army contre Navy. Tu vas nous expliquer pourquoi c'est un classique. Écoute, ces deux petites universités, c'est l'armée américaine là, qui s'affronte. Tu sais, tu as trois équipes de l'armée, tu as l'armée, tu as la marine et tu as l'Air Force, les forces de l'air. Ça représente trois universités dans l'armée américaine. Tu vas nous expliquer pourquoi c'est si prestigieux ce match-là. C'est toujours un classique entre ces deux universités-là. Puis il y a le trophée Heisman qui va être déterminé la semaine prochaine. Puis j'aimerais ça aussi que tu me parles du comité. On en a parlé trois, quatre fois, là. C'est quoi le comité? Il est constitué de quoi, ce fameux comité-là? La semaine prochaine, Wallet, on va en parler. Parfait, puis on peut aussi là, donner nos impressions finales là, sur justement Ouais. le top 4 du comité. Puis, faut pas oublier, là, il y a les deux matchs de demi-finale, mais il y a aussi quatre autres bowls majeurs qui jouent année après année, comme on vient de le mentionner, là, le Rose Bowl. Le On peut sugar. aussi, on va pouvoir vous le Sugar exactement, puis le Cotton Bowl. On va pouvoir rentrer en détail là, avec c'est quoi les matchs qui vont être à surveiller, puis les équipes qui se retrouvent Ouais. dans ces fameux bowls-là. OK. Wallet, on s'en reparle la semaine prochaine. Hey, Donc, merci beaucoup, Danny. site internet, Bonne fin de semaine. le NFL Le Blitz, c'est Wallet.